s'appelle Supercherie. Et vous êtes tous éminables. Allez, la dernière! 1, 2, 3, 4! Non, moi, c'est mauvais! Fuck! À chien! Alors, je t'emmerde! Oh! 1, 2, 3, 4! Ah, vous êtes super!